L'empereur byzantin Théophile fut un des barbares des plus acharnés contre les saints que l'Église ait connus. Sa femme, l'impératrice Théodora, se consumait dans les jeûnes et les prières pour obtenir sa conversion. En fin de vie, l'empereur maudit ses erreurs et mourut dans une profonde pénitence. À sa mort, sa femme pria beaucoup et fit prier pour le repos de son âme. Quelque temps après, l'impératrice eut un songe où Théophile lui apparut couvert de chaînes, traîné au tribunal par une bande de démons, ayant des instruments de torture en main. Il lui semblait qu'elle suivait ce misérable cortège et tentait, en vain, d'arrêter ses mauvais esprits enragés. Au tribunal, les démons présentèrent l'âme devant le juge, qui avait le visage irrité, et réclamèrent à grands cris la condamnation de ce persécuteur, qui avait versé le sang des saints. À son tour, Théodora s'approcha du trône, et se jeta aux pieds du Christ. Elle présenta avec humilité la pénitence que son mari avait faite à l'heure de la mort, et les prières qu'elle ne cessait d'offrir, et de faire offrir chaque jour, pour le repos de cette âme. Le regard du juge s'adoucit soudain, et il dit : « Femme, votre foi est grande. Votre époux méritait d'être condamné, mais à cause de vous, et en considération des prières de mes prêtres, je lui accorde sa grâce. » Puis s'adressant aux exécuteurs de sa justice, il leur dit : « Déliez-le, et rendez-le à sa femme. » Le lendemain matin, l'impératrice rapporta le songe au patriarche Méthode, qui avait beaucoup souffert de l'empereur, à cause de sa foi. Mais il avait multiplié ses prières et bonnes œuvres pour Théophile, en tant qu'évêque. Or cette même nuit, il eut un songe où il lui semblait être dans l'église Sainte-Sophie, à Constantinople, où un ange apparut, et lui dit : « Prêtre, tes prières sont exaucées. Théophile a obtenu grâce. » Le lendemain matin, se rendant à l'église, il trouva la confirmation de sa vision. Il tenait un petit livre dans lequel il avait coutume d'écrire les noms des principaux persécuteurs, et le déposait à l'autel, pour les recommander à Dieu en offrant le sacrifice divin. L'empereur était en tête de liste. Or, ce jour-là, son nom se trouvait miraculeusement effacé. Ce fut l'assurance que Théophile avait trouvé miséricorde, par les prières offertes pour lui.